Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la Gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealours.com et découvrez le site touristique de la Chute à Lourdes, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. On va parler de la traversée internationale du lac Saint-Jean. C'est la 64e en fin de semaine et on va parler avec un qui est à sa 7e traversée internationale du lac Saint-Jean, Xavier Desharnais. Salut Xavier! Salut! Xavier, première question que j'ai envie de te poser, quand que j'ai vu que tu étais à Saint-Thomas-Didienne, tu te préparais à l'institut, je me suis dit, ouais, mais ce gars-là, t'es pas supposé d'arrêter. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, c'est une possibilité que j'arrête l'année dernière. J'ai pris du temps pour moi un peu en début d'année pour décider est-ce que j'en ai encore dans le réservoir, est-ce que j'y vais pour une dernière année. Mmh. Puis finalement, j'ai refait une année d'entraînement, je l'ai fait à mes conditions, puis je suis là. OK. Xavier, qu'est-ce qui motive un gars comme Xavier Desharnais d'être à sa 7e traversée internationale du lac Saint-Jean? C'est une préparation, hein? C'est incroyable. Là. Qu'est-ce qui motive autant Xavier Desharnais, après 7 courses, d'être aussi motivé? Ben, c'est sûr que on est des athlètes de haut niveau, donc nous, on veut performer le plus possible. C'est sûr, j'ai gagné déjà la traversée du lac Saint-Jean, mais j'aimerais finir sur une bonne note. L'année dernière, avec une 4e place, on se pose toujours des questions. Genre, ah, j'aurais pu faire un peu plus de ça, un peu plus de ça. Est-ce que je suis capable de remonter sur le podium? Puis c'est aussi une grande famille, tu sais. Nageurs d'eau libre, on se connaît tous, on est tous amis, puis on est habitué de se voir à chaque année. Donc, je tenais à faire un dernier tour sur le circuit pour voir tout le monde un peu, mais également pour moi, pour mes performances, puis essayer d'aller en chercher un petit peu plus. OK, Xavier, si on parlait un peu de la traversée, c'est jamais pareil, hein? Tu sais, tu peux pas te comparer, tu sais jamais à quoi t'attendre. Le lac Saint-Jean, c'est toujours mystérieux, c'est toujours comparativement à d'autres, comparativement à lac Mégantic, également Malfrey Magog, donc c'est jamais pareil, hein? Ben en fait, toutes les courses d'eau libre sont jamais pareilles. Je te dirais que tu sais, lac Mégantic, il n'y a pas une course qui va être pareille non plus. Lac Magog également, le même prix Magog qui peut être très, très dur comme qui peut être très calme aussi. Mais au lac Saint-Jean, c'est particulier parce que c'est vraiment cette définition-là, mais à l'extrême. Donc en une minute, le lac peut être plat, avoir du soleil, il peut être chaud, puis ça peut changer dans la même course. Puis devenir des vagues de 4 à 6 pieds. Ah, oups, ça avance le lac, l'eau devient froide, les nuages arrivent, puis la traversée peut être très différente, vraiment, elle peut changer en une seconde. Donc, le fait que tu es à ta 7e, tu es expérimenté, c'est un gros avantage sur les autres, hein? Bien, c'est sûr que c'est un avantage d'avoir de l'expérience, mais c'est pas une gage de succès non plus. Tu sais, il y a quand même un petit facteur chance, il y a un énorme facteur d'entraînement là-dedans aussi. Mais des fois, l'expérience peut faire la différence entre une position ou une autre. OK. C'est quoi ton objectif pour samedi? C'est de terminer, j'imagine, sur la bonne note? C'est terminer sur... Exactement. C'est terminer sur une bonne note. C'est sûr que j'aimerais énormément faire un podium. Mais encore là, chaque course peut être différente. Et l'année dernière, j'ai eu une excellente course. J'ai fini 4e. Tout peut arriver. Puis c'est sûr que j'entends plus en profiter cette année, sachant vraiment que c'est la dernière. Donc je vais essayer d'y aller. Puis même si je nage pendant 30 km, je vais essayer de m'amuser quand même. OK. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est ta victoire, j'imagine? Oui. Étrangement, c'est pas ma victoire tout seul. C'est vraiment ma victoire en ex aequo avec Tommy Stefanowski. Ah oui, je me vraiment, rappelle, ça avait été mémorable. Écoute, ça avait pris 2 heures. Si je me rappelle bien, ça avait pris 2 heures avant de terminer un gagnant. Hein? Ouais. Ça a vraiment été ce bout-là. T'sais, après, on finit, on ne sait pas qui a gagné. Ouais. On va au médical, on va faire au drug testing. finalement, on s'en va en avant, on va parler aux journalistes, on s'assoit sur le podium, puis là, on entend au micro que les deux ont gagné ex aequo, puis ça a vraiment été ce moment-là qui est mon plus beau souvenir au lac. OK, OK. Sais-tu, qu'est-ce qui a motivé un athlète comme Xavier Dernais, année après année? C'est pas du financement, là. Ça coûte pas cher. Je veux dire, vous êtes vraiment pas payé cher pour tous les efforts que vous faites, là. Puis t'as connu une belle carrière, quand même, là. C'est un peu comme tu as dit tout à l'heure, c'est une famille, tu veux pas lâcher ça, c'est quoi? Ça a une grosse partie là-dedans, le côté famille, mais tu sais, en même temps, on peut pas trop chialer. Tu sais, oui, on s'entraîne très, très, très fort, mais on fait ce qu'on aime. T'sais, si j'aimais pas nager, si j'aimais pas m'entraîner, je pourrais pas m'entraîner autant, puis je pourrais pas faire des longueurs sans cesse. Puis dans le fond, ça nous permet de voyager aussi à travers le monde. On connaît des gens un peu partout. C'est aussi le sentiment quand tu finis une traversée, que ce soit au lac Saint-Jean, à Magog, ailleurs dans le monde, c'est vraiment indescriptible. C'est un sentiment d'accomplissement extrême, puis c'est dur de reproduire un sentiment d'accomplissement aussi grand après dans d'autres sphères de ta vie. Quand c'est un peu comme monter le Mont Everest, après ça tu dis bon, qu'est-ce qu'il y a, ben donc tu continues, puis t'aimes ça, donc c'est motivant, puis ça te permet de voyager, ça te permet de rencontrer des nouvelles personnes, ça te permet de te dépasser. Donc, c'est vraiment un whole package qui est quand même assez difficile à laisser de côté aussi. Tu sais, ça n'a pas été facile de prendre une décision d'arrêter. Puis, je pense que je suis à l'aise avec ça, je suis en paix avec ça, mais c'est sûr qu'il va me prendre un beau défi après. OK, Xavier, tu as parlé, tu es allé dans le monde. Parce que les gens, ce qu'ils savent pas vraiment, c'est que c'est un championnat, là. C'est une coupe, évidemment, et puis la traversée du lac Saint-Jean fait partie d'un championnat. Et je sais qu'il y a des courses en Argentine, il y en a des autres, où est-ce qu'ils sont, hein? Il y en a en Argentine, il y en a en Macédoine, en Italie. OK. Il y en a eu au Mexique, il y en a eu un petit peu partout. C'est sûr que là, le circuit a un peu de la misère. Présentement, cette année, en fait, il y a officiellement une course en Argentine, une ici, puis une en Macédoine. Mais quand même, tu sais, dans le temps qu'il y avait 8 à 10 courses à travers le monde, c'était vraiment partout, là. Est-ce que tu l'as fait en Argentine ou en Espagne ou en Italie? Argentine, genre, en janvier, parce que c'était en janvier, tu l'as-tu fait? Ouais. Argentine, j'ai fait la mythique Santa Fe Corona, qui est un marathon de 57 km. OK. C'est sûr que cette année, j'ai pas pu y aller, mais j'aurais adoré la refaire une dernière fois, elle, ici. OK. Si tu compares avec le lac Saint-Jean, c'est quoi la différence? Ben, c'est sûr que chaque course est différente. Ouais. Je parlais tantôt le lac Saint-Jean, c'est que ça peut changer d'une minute à l'autre, puis le froid joue un énorme facteur. Tandis que Santa Fe, c'est plus la longueur, tu sais, c'est 57 km. C'est sûr que c'est avec le courant, donc si on est chanceux, ça va prendre 8h, 8h30. Mais tu sais, ça peut, tu sais pas, si le courant est pas fort cette journée-là, ça peut te prendre 9h30. Puis c'est différent de nager dans une eau qui pousse avec toi, qui tu vas à 10-15 km/h au lieu de 5-6. Donc c'est deux courses bien bien distinctes. Puis après ça, chaque course a un peu sa son petit point unique. T'sais, si tu vas en Italie après ça, qui a traversé entre l'île de Capri puis Naples, mais là t'es dans l'océan, t'as la vague, t'as le sel, il fait chaud, t'as le Vésuve en background. C'est vraiment c'est sûr que c'est fatigant. À chaque fois que tu regardes, tu vois le volcan, mais tu sais, c'est quand même assez beau. Là, tu sais. Puis chaque course comme ça a un petit peu sa particularité. Puis le lac Saint-Jean a vraiment, selon moi, c'est vraiment la plus prestigieuse. Est-ce que les gens en Argentine et en Espagne, est-ce que si on parlait de l'ambiance, c'est-tu comparable? Ce qui est comparable au lac Saint-Jean, c'est vraiment Santa Fe, justement, okay, en Argentine. Okay. L'Argentine a vraiment des bons supporters d'eau libre. Je pense qu'on le voit chaque année, il y a toujours beaucoup d'Argentins ici. Ils sont très appuyés par leur compétition, par leur ville, pour justement faire de l'eau libre. Mais tu sais, comme moi, l'arrivée ici au lac Saint-Jean, quand tu as 5 à 10 000 personnes qui t'attendent, c'est vraiment incroyable. J'ai pas vu ça ailleurs non plus. Santa Fe, c'est plus sur le... C'est une rivière, c'est 57 km, donc partout sur la rivière, il va y avoir du monde. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir 57 km de gens qui t'encouragent. Mais vraiment, l'arrivée au lac Saint-Jean est unique. Xavier, parle-moi de Saint-Thomas-Didienne. Est-ce que c'est une course qui est appelée vraiment à avoir du succès? Parce que plus ça va, plus ça va bien. C'est la cinquième édition? Comment tu trouves ça? J'imagine que c'est un bon entraînement pour en vue du marathon. Pour l'instant, c'est vraiment ça. Oui? Pour l'instant, c'est vraiment ça en quoi ça se développe le plus. Les nageurs de haut niveau, présentement surtout québécois ou même français avec Édouard Lahoux qui s'entraîne au Québec, l'utilisent beaucoup pour se préparer pour la traversée. C'est sûr que 2 semaines en avance, c'est un petit peu parfait pour un dernier test. C'est sûr que ça peut aussi gagner en popularité. C'est un peu loin des grands centres de la province, mais si c'était plus connu, il y a beaucoup de potentiel à développer ça. Peut-être un jour le mettre dans le circuit, puis réavoir quelques courses au Québec là, sur le circuit des très longues distances. OK. Qu'est-ce que tu comptes après ta carrière faire? Est-ce que tu vas être entraîneur? Est-ce que tu vas t'impliquer dans le nage en eau libre? Qu'est-ce que tu entends faire là? C'est sûr que je vais m'impliquer. Je pense que l'année prochaine, ça va être une année un peu de transition. Il n'y a rien d'officiel encore, mais j'aimerais beaucoup aider à développer l'eau libre au Québec. Okay. Donc, j'ai déjà des conférences de montée, mais je vais voir si je peux faire autre chose pour ça. Donc, on va surtout travailler, puis essayer de rembourser les dettes de natation, d'école que j'ai accumulées. Là, j'ai fini une maîtrise en kinésiologie cette année. Donc, l'année prochaine, on va travailler un petit peu, puis moi, mon but ultime, ça serait vraiment de rentrer en médecine l'année d'après, là. En septembre 2019. OK. Ben, Xavier, belle carrière, félicitations, bravo, puis au plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup. Voilà Xavier Desharnais qui sera sa 7e et dernière course en fin de semaine à la traversée internationale du lac Saint-Jean.